Reste avec moi, prince. Il y a longtemps que je ne t'ai vu. Quand je ne suis pas en ta présence, une honte monte en moi et m'étouffe. Et je commence à te détester, à te haïr. Au point que je songe sérieusement à t'empoisonner. Ou à te couper la gorge avec un rasoir. Afin de me débarrasser de toi une fois pour toutes. Cependant, il suffit que je te revoie. Ma haine s'en va. Et je t'aime comme avant. Autrement dit, lorsque je suis en face de vous, vous avez confiance en moi. Mais à peine ai-je tourné le dos, vous redevenez méfiant et soupçonneux. C'est cela, Rogojin? C'est surtout le timbre de ta voix qui m'en confirme, je crois. N'empêche que je comprends que nous ne sommes pas égaux, toi et moi. Oh. Pourquoi avez-vous ajouté cela? Vous voilà de nouveau irrité, haineux presque. Non. Je suis seulement malheureux. Nous ne sommes égaux en rien, prince. Et tu as l'avantage sur moi dans bien des domaines. Tu dis que tu aimes Nastassia Philippovna par pitié. Moi, je n'ai aucune pitié pour elle. Je te l'ai déjà dit. J'en ai horreur, la pitié. Et elle me méprise au plus haut point. Mais je rêve d'elle chaque nuit. Et je la vois riant de moi avec un autre, c'est ainsi, frère. Mais pourquoi pensez-vous qu'elle rit de vous avec un autre? Elle ne rit pas seulement, elle me déshonore avec un autre, avec plusieurs autres. Mais vous divaguez, Rogojin. Comment peut-elle vous déshonorer? Elle est ce qu'elle est, prince. Elle m'a couvert de honte à Moscou avec un officier, un certain Zantouchnikov. Et ceci après avoir elle-même fixé le jour de notre mariage. Mais ce n'est pas possible, vous la calomniez. D'abord, je me suis dit aussi, ce n'est pas possible. Hélas, force m'a été de m'incliner devant les faits. Alors elle n'agirait pas ainsi avec toi. Mais avec moi, c'est autre chose. Elle me considère moins qu'une punaise. Je t'ai parlé de l'officier Zantouchnikov. Je peux t'en dire autant du boxeur Keller. Ah, si tu savais tout ce qu'elle a fait à Moscou, et combien d'argent j'ai dépensé pour écarter d'elle tous ces chiens. Mais enfin, mais comment peux-tu te marier avec elle après tout cela? Et comment vivrez-vous plus tard? Il y a 5 jours que je n'ai plus été chez elle, bien qu'elle habite cette maison. Je crains d'être chassé, car elle me répète souvent. Écoute, Rogojin, je suis encore ma propre maîtresse. Si je veux, je te mettrai pour de bon à la porte et je partirai pour l'étranger. Parfois, il est vrai, elle me dit cela pour me faire peur. Mais parfois, elle devient vraiment morne. Elle fronce les sourcils et ne m'adresse plus la parole. Et c'est ce qui me terrifie le plus, ce silence. Tu comprends, prince? Oui, Rogojin. Tiens, un détail. L'autre jour, j'ai cru bon lui offrir un très beau châle. Que crois-tu qu'elle en a fait? Eh bien, elle l'a refilé à Katia, sa servante. L'offense était trop grande, je n'ai pas pu me retenir et je lui ai jeté à la figure. Tu m'as promis de te marier avec moi. Tu crois peut-être me faire honneur? Mais c'est moi qui te fais honneur. Grâce à moi, tu entreras dans une famille honnête. Et tu sais ce que tu es, toi? Mais dis-le! Dis-le, Rogojin, dis-le, sale marchand! Eh bien, tu es une catin! Peut-être. Mais toute catin que je suis, je ne veux pas de toi pour époux. Je ne veux pas de toi, tu m'entends? Tant pis! Mais de toute façon, je ne m'en irai pas. Insulte-moi, piétine-moi. Je ne m'en irai pas. Même si je te disais que tu es un chien. Un chien rampant, une vermine, tout simplement. Tu ne t'en irais pas, Rogojin. C'était plus que je ne pouvais en supporter, prince. Je me jetais sur elle et je la battis comme plâtre. Après cela, pendant 2 jours, je n'ai pas dormi. Ni mangé, ni bu. Je suis resté à genoux devant la porte de sa chambre. Je mourrai, Nastassia Philippovna. Mais je ne sortirai pas tant que tu ne m'auras pas pardonné. Et si tu ordonnes de me chasser, je me noierai. Car je ne peux pas vivre sans toi. Et elle a été comme folle pendant ces 2 jours, prince. Elle pleurait, voulait me tuer avec un couteau, me couvrait d'injures, crachait sur moi. Elle a appelé Santouchnikov, Keller, Lebedev et tous les autres. M'a montré du doigt et m'a déshonoré en leur présence. Allons tous au théâtre, messieurs. Qu'il reste ici puisqu'il ne veut pas sortir. Mais je ne me marierai jamais avec lui. Même s'il doit en crever. Lorsqu'elle revint du théâtre, elle me dit... Ce sont tous des lâches, Rogojin. Ils n'osent pas te jeter dehors. Et ils cherchent à m'effrayer, moi aussi. Il ne partira pas comme ça, disent-ils. Il vous assassinera avant. Et je n'ai pas peur de toi, chien rampant. Je vais aller dans ma chambre. Et je ne verrouillerai même pas ma porte. Le matin, elle sortit de sa chambre et se mit à rire de nouveau. Tu es restée ici toute la nuit à genoux? Oui, Nastassia. Et tu n'as ni mangé ni bu? Non. Sais-tu qu'il y a à Rome un pape? Je l'ai entendu dire. Tout de même, tu l'as entendu dire. Tu as étudié un peu l'histoire? Je n'ai jamais rien étudié. Je te passerai un manuel d'histoire. À quoi bon? Je ne le lirai pas. Alors je vais te raconter le passage qui nous intéresse tous deux. Il y avait autrefois un pape qui se fâcha contre un empereur. Et ce dernier resta pendant 3 jours à genoux devant son palais implorant sa clémence. Sans manger ni boire. Jusqu'à ce que le pape lui eût pardonné. Et que crois-tu, Rogojine, que cet empereur pensa pendant ces 3 jours? Il pensa qu'il se vengerait un jour du pape. Que pouvait-il penser d'autre? Tu es plus intelligent que tu n'en as l'air. Tu dois te dire, lorsque Nastassia Philippovna sera ma femme, je voudrai tout ça. Je lui ferai expier sa cruauté et sa morgue. C'est bien ça que tu mijotes dans ta cervelle obtuse. Réponds, fils de marchand. Je ne sais pas. Pour le moment, je pense à tout autre chose. Et à quoi penses-tu pour le moment? À quoi? À rien. Quand tu te lèves et quand tu passes devant moi, je tressaille et je te suis du regard. Quand j'entends le bruit de ta robe, mon cœur défaille. Et quand tu me quittes, je réfléchis à chacune des paroles que tu m'as dites. Toute cette nuit, je n'ai désiré rien d'autre que de t'étrangler. Je t'ai entendu remuer 2 fois dans ton lit. Est-ce que tu te rappelles que tu m'as donné des coups? Peut-être, je me le rappelle. Je ne suis certain de rien. Et si je ne te pardonnais pas, si je ne me mariais pas avec toi, que ferais-tu? Je te l'ai déjà dit. Je me noierais. Ouais, mais tu me tuerais avant de te noyer, moujique mal dégrossie, j'en suis sûr. Ceci dit, prince, elle devint pensive pour un long moment. Puis elle se fâcha de nouveau et sortit. 1 heure après, elle rentra morne. Abattu. J'ai décidé, Rogojine. Je me marierai avec toi. Non parce que je te crains, mais parce que je dois de toute façon périr. Ce sera peut-être la meilleure façon. Mais assieds-toi. Pourquoi restes-tu toujours à genoux? Je ne suis pas une icône. Et maintenant, écoute-moi. Si je t'épouse, je serai une femme fidèle, n'en doute pas. Et peut-être bien que je t'épouserai. Car je constate que tu n'es pas tout à fait un moujik. Ne me regarde pas comme un mouton, regarde une touffe d'herbe fraîche qui lui tombe sous le nez. Nous nous marierons le mois prochain, voilà. Alors rien bon coup, frappe-toi les cuisses et va te saouler au cabaret, mais va, va vite. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Marcel Bozufi, Parfen Rogojine et Sylvia Montfort, Nastassia Philippovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.